Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Faut-il avoir une horlogerie de très grande valeur qui permet l'expression de nos artistes, qui permet de maintenir un savoir-faire et un salaire élevé à ceux qui les produisent, ou alors d'opter pour une fabrication en plus grand nombre, de montres plus courantes, plus modestes, qui vont cibler une clientèle qui pourra les acheter. Cette semaine, tic-tac, tic-tac. Le fait main, pur et dur, ça n'existe pas. La main de l'horloger ou de l'horlogère est toujours outillée, à minima par des outils de main. La gouvernance de l'horlogerie est pilotée au début par des succursales locales, du Jura bernois, du Jura neuchâtelois. Et puis à la fin, l'industrie horlogère suisse se trouve intégralement contrôlée par les directions centrales des trois grandes banques suisses, que sont la Société de Banque Suisse, l'Union de Banque Suisse et le Crédit Suisse. Crise, réforme et résurrection. Il faut bien penser aujourd'hui que l'horlogerie suisse répond à une demande qui n'est pas une demande existante en Suisse. Il faut savoir que 95-95% des montres produites en Suisse sont dévolues à l'exportation. Et les 5% restants, 3% incluent les touristes. Genève est une marque, entre guillemets, qui va être connue, bien sûr sur le marché européen, mais bien plus loin, en Asie, à Constantinople, on achète des montres qui viennent de Genève. Quelques histoires de mécanismes. Tic-tac, tic-tac, ou l'industrie horlogère suisse. Aujourd'hui, entretien avec Hervé Münz, anthropologue. Quelques questions du jour. Quand peut-on prévoir? Jusqu'où peut-on prévoir? Que ne peut-on pas prévoir? On retrouve aujourd'hui l'anthropologue Hervé Münz, qui était déjà à notre micro hier, pour poursuivre la réflexion. Nous l'avons quitté sur ces mots. On ne pense pas, indépendamment d'un contexte, qui agit sur nous aussi, et nous force à devoir trouver des solutions qu'on n'avait pas anticipées. Il est question là de savoir professionnel dans le domaine de l'horlogerie, mais qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à bien d'autres domaines, professionnels ou peut-être même non professionnels. J'ai eu un moment où je vous écoutais, j'avais, je ne sais pas pourquoi, l'image d'un plan d'évacuation d'immeuble. Le plan d'évacuation d'immeuble est censé avoir anticipé toutes les issues possibles, toutes les voies possibles, sauf qu'il y a toujours le courant d'air auquel on s'attendait pas et qui veut dire que le plan en lui-même ne va pas fonctionner et qu'il faut s'adapter sur le dernier moment. Absolument, c'est-à-dire que le plan est nécessaire, c'est pas qu'il est inutile, c'est que c'est une fonction, c'est un référent, c'est un outil, c'est une béquille. C'est vraiment extrêmement important, mais ça ne suffit pas à permettre le déploiement de l'action. Ne serait-ce que parce que on oublie souvent de penser l'affect aussi, l'enjeu, les enjeux d'émotion, la manière dont on se munit d'un plan pour solutionner un problème grave, ben forcément on est complètement ébranlé, on est complètement hors de soi et on ne trouve pas forcément la quiétude nécessaire pour lire patiemment les descriptifs. Surtout aussi son petit caractère. Ouais, c'est ça, rendre compte du plan des diagrammes plus ou moins mal faits, il faut traduire ça, ajuster par rapport à l'espace, et ben c'est vraiment ça que j'entends. La situation, c'est l'ajustement par rapport aux caractéristiques du contexte dans lequel on pratique ou on agit. Mais j'ai l'impression que vous remontez exactement tel des saumons furieux à contre-courant de ce qui est de plus en plus embarque nos modes, nos mondes et nos sociétés à grands coups d'organisation managériale, de on a tout prévu, on a tout planifié, on sait exactement comment ça va se passer et faites-nous confiance. Vous naviguez exactement dans... On navigue. Alors non, ça serait trop facile de positionner une fois de plus l'anthropologie comme à contre-courant ou en marge. Pas du tout. Il se trouve que les gens dont je parle, les tenants de cette approche, qu'on appelle l'approche de la cognition située ou de l'apprentissage situé, sont certes des anthropologues, mais qui sont intéressés à des contextes de résolution de problèmes concrets, éminemment modernes, actuels. Et donc, ils ont toujours travaillé avec les sciences de l'organisation et du management, par exemple, en fait. Donc, je pense à trois personnes, une anthropologue qui s'appelle Lucy Suchman, une autre anthropologue qui s'appelle Jean Lave et un sociologue du nom d'Edwin Hutchins. Donc le dialogue fructueux qu'on peut nourrir en réfléchissant sur ce que c'est qu'une organisation, sur ce que c'est qu'une instruction de procédure, sur ce que c'est qu'un savoir, tout simplement en fait. on le fait en dialogue avec effectivement des sciences qui sont souvent un peu mues par le désir de contrôle, le désir de trouver des solutions rapides à des problèmes complexes. Et nous, on réinjecte de la complexité en disant « c'est pas parce qu'il y a de la complexité que c'est une mauvaise chose ». Et en invitant les gens à repenser le savoir comme une pratique. Ne pas se décourager, au fond. Exactement. Et à repenser les choses dans des dynamiques processuelles. C'est-à-dire que le savoir, c'est une pratique. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose qui a des seuils, des phases, des intensités. C'est pas quelque chose qu'on détient un jour pour toujours, qu'on acquiert sur une base stable et définitive. Le savoir, en tant que pratique, c'est quelque chose de forcément protéiforme, complètement façonné par des enjeux relationnels, des enjeux sociaux, des enjeux politiques, des rapports de force. Et pour rendre compte de la transmission des savoirs, faut tenir compte de tout ça. Raison pour laquelle, par exemple à Hong Kong, j'ai eu beau m'avancer et me positionner pour dire aux formateurs suisses que sans doute il aurait intérêt à affiner un petit peu son enseignement, sa didactique, les choses ont été extrêmement mal reçues de la part de mes collègues hongkongais qui ont pris mon intervention pour de l'ingérence et qui m'ont pris pour un espion. Ils se sont dit, celui-là, il est pas horloger, il est anthropologue, mais un anthropologue, c'est, un universitaire, ça a rien à foutre sur un établi, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment fort. Du coup, c'est pas possible que ce type soit vraiment... Ils vous ont pas invité au dîner. Ils m'ont pas invité au dernier, et puis ils m'ont mobé copieusement pendant un mois en fait. Mais ça, c'est ma naïveté aussi. C'est ma naïveté de penser qu'effectivement, j'étais très au fait sur le fait que le savoir-faire de l'horloger suisse devrait nécessairement se traduire et se transformer pour être transmis à Hong Kong. Ça, j'étais parfaitement au fait. J'ai oublié de tenir compte du fait que les gens qui invitaient cet horloger suisse étaient eux-mêmes en proie à de grands mécontentements par rapport aux collaborations avec un certain nombre d'horlogers suisses. Et que donc, il y avait de la méfiance structurelle, je dirais. Et quelle était la nature du mécontentement? Si vous rappelez bien, en 2015, un certain nombre de détaillants hongkongais ont commencé à signaler aux producteurs de montres suisses qu'ils ne faisaient plus les mêmes marges sur la vente des montres suisses et que donc il fallait repenser simplement le business model. Et ils n'avaient pas vraiment obtenu gain de cause à l'époque et donc le contexte était un petit peu tendu. Hervé Mouss, on peut dire que vous avez également, parmi vos qualités que l'on devine innombrables, le sens du titre. J'en ai un encore en tête d'un article que je n'ai pas eu le temps, je vous l'avoue, de déchiffrer, de parcourir, d'étudier. Les yeux fertiles. Non, c'est les doigts, les doigts fertiles. Les doigts fertiles. Les doigts fertiles, absolument. Les doigts fertiles. J'entends presque un titre à la Bachung. Alors, première chose, je suis obligé de vous remercier parce que vous me faites très plaisir et effectivement, c'est parce que vous m'avez bien démasqué. Je suis pas du tout anthropologue à la base. C'est le parolier de Bachung. Oui, c'est ça. Vous êtes moins de boulot. Jean Faure. Je suis l'arrière-cousin de Jean Faure. Ouais. Non. Ce qui m'intéresse dans la vie à la première place, c'est la poésie. Donc, vous avez absolument bien trouvé la chose. L'anthropologie, là, c'est une passion, c'est mon métier, mais ça reste mon métier. Mon feu intérieur, il est nourri par la poésie, de toute façon. Donc, l'importance des mots et de la langue est fondamentale pour moi, c'est sûr. J'y consacre une bonne partie de ma vie. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, les doigts fertiles? Bon, c'est mon amour du surréalisme, certes. Un clin d'œil aux yeux fertiles de Paul Éluard, évidemment. Et puis, c'était une manière de penser, à travers ce titre ramassé, la manière dont les horlogers et les horlogères pensent avec leur voix, avec leur bout de leurs doigts. En disant, finalement, la curiosité, la manière dont ils font sens, c'est bien par une qualité de regard, mais cette qualité de regard, elle passe par leur tactilité, par leur sens tactile. Je vais me servir de vous comme avocat. Voilà quelques années que je pratique une petite expérience scénique qui s'appelle Les Voies de la Recherche, en étant parti du principe, réunissant donc sur scène, outre un ou une scientifique, des musiciens, des comédiens, et on fait une traversée, une lecture d'un article scientifique en allant chercher des archives qui sont donc lues, travaillées, un peu mises en scène, sans une débauche de moyens, ça de manière assez simple. Mais mon point de départ était de dire, dans la recherche, pas toujours, mais il y en a quand même, dans la recherche, il y a de la poésie. Je vais donc pousser le bouchon dans cette direction, Hervé Mouss. Selon vous, est-ce que la recherche scientifique a une nature profondément poétique? Non. Je pense qu'elle peut, l'avoir. Non, elle peut l'avoir. C'est un potentiel qu'elle a sans doute. Maintenant, considérant la réalité des pratiques scientifiques et du champ de la science aujourd'hui, ça serait vraiment être un tout petit peu là pour le coup. Une candeur crasse. Oui, alors vraiment. Une belle candeur, mais vraiment trop peu en phase avec la réalité pour que ça corresponde. Et puis surtout, enfin, quand on tient à alimenter son rapport à la poésie et qu'on est scientifique, on doit trouver toutes sortes d'astuces pour se ménager des espaces pour le vivre. Alors en fait, si vraiment c'était si vrai que la pratique scientifique était éminemment poétique, ça serait pas aussi compliqué. J'ai envie de répondre comme ça. Mais la pratique scientifique, pardon, elle interroge. Oui. Je trouve que c'est ça qu'elle a de commun avec la poésie. Absolument. Alors là, vous avez parfaitement raison. Elle peut... et puis... Elle soulève. Elle soulève et à plus, bon, disons, à plus forte raison, je pense que mon amour de l'anthropologie et mon premier pas vers l'anthropologie, il a été encouragé par Nicolas Bouvier, par exemple, en fait. Quoi. Donc c'est vraiment ce rapport à la langue. Et j'ai trouvé dans l'anthropologie la seule discipline, à mon avis, existante, mais sans doute ça, c'est par ignorance, mais peu importe, c'est cette rencontre que j'ai eue, qui était capable de me donner, d'accueillir, enfin, mon amour de la poésie, et des mots, de la pratique artistique, et mon amour du voyage. Alors là, c'était extrêmement, extrêmement candide aussi, et très, très naïf de penser que l'anthropologie servait qu'à ça. Et puis, mais je suis entré en anthropologie comme ça. Et en fait, j'ai fait ma carrière sur l'anthropologie du proche, donc j'ai très peu voyagé. Et puis l'autre chose, c'est Michaud aussi qui m'a, Henri Michaud qui m'a, ou peut-être même Marguerite Yourcenar, qui m'ont amené à l'anthropologie, en fait. Donc c'était cette capacité de cette discipline à marier ou à dialoguer extrêmement finement avec la poésie qui m'a vraiment intéressé, aussi avec le tournement textuel, hein, vous savez, toutes ces grandes études critiques de ce qu'on a appelé les études postcoloniales au tournant des années 70, années 80, où on a remis en cause la possibilité même de décrire l'existence, les pratiques et les mœurs d'autrui par le texte, en disant finalement c'est toujours produire un texte que de parler des autres, c'est avant tout des stratégies narratives et textuelles, donc utilisons l'arsenal et les outils de la narratologie par exemple pour penser les grandes œuvres de l'anthropologie et voyons ce qui en sort. Histoire vivante, cette semaine, tic-tac, tic-tac, suite de l'entretien avec Hervé Muntz. Hervé Muntz, vous avez regardé pour nous ce documentaire que l'on peut déjà découvrir depuis le début de semaine sur le site des docs de la RTS, mais également que l'on pourra voir à la télévision dimanche soir sur RTS2. Je vais peut-être pas vous dire qu'en avez-vous pensé. Je vais peut-être compléter le qu'en avez-vous pensé. Soyez franc. Alors, il me semble que c'est une manière de reconstituer les mythes liés à l'histoire de l'horlogerie récente qu'un nombre de collègues et moi-même avons vraiment passé beaucoup de temps à essayer de déconstruire ces dernières années. Je m'explique. C'est une histoire que nous propose l'auteur, focalisée sur l'idée que ça serait un homme, une entreprise, qui aurait sauvé l'horlogerie suisse, c'est-à-dire Nicolas Hayek, et le Swatch Group, et un produit, la Swatch, fin des années 70 et au cours des années 80, en fait. Et puis, il se trouve qu'on est quand même une petite équipe de chercheurs, je peux les citer, ils ont fait des travaux vraiment admirables, en fait. Il y a Laurence Marty, d'une part, Nadège Sougy, de manière plus généalogique. Qui est là cette semaine avec absolument. Nous. Absolument. Et puis, bien sûr, Pierre-Yves Donzé aussi, qui est néanmoins invité comme expert dans le cadre de ce documentaire, qui se sont, et moi-même, ou Russell Abaldi, enfin, il y a tout un parterre, une espèce de petite plateforme de personnes qui avons, bien fait notre travail, je pense, pour montrer que les choses étaient éminemment plus complexes et que ces histoires de héros, ça suffisait pas à comprendre ou à rendre compte de ce qui s'était passé. Et ce documentaire tend à nous montrer deux grands patrons, deux figures proéminentes, c'est Jean-Claude Biver d'un côté pour les montres mécaniques et Nicolas Hayek avec la Swatch de l'autre, qui auraient été à force d'astuces et d'opportunisme, les personnes qui auraient permis de sauver l'horlogerie suisse. Et je trouve extrêmement dommage parce que du coup ce reportage n'est pas bien documenté alors que l'auteur aurait eu les moyens et le temps de bien le faire en fait. Puisqu'il a été chercher Pierre-Yves Donzé comme expert, ça veut dire qu'il était quand même un petit peu au courant de ce qui se faisait et il ne s'est pas donné les moyens d'aller vraiment comprendre les choses. Par exemple, Pierre-Yves Donzé, un des intérêts de son approche, son travail, c'est de montrer que le succès de la Swatch est relativement tardif au niveau de son succès commercial. En fait, il faut attendre la fin des années 80, alors que la Swatch est développée en 83. Donc elle a une dizaine d'années déjà. Elle a déjà, en tout cas, 5 ans. En tout cas, 5 ans avant qu'elle soit vraiment significative au niveau de son impact commercial. Quoi. Il n'en est pas fait question. Ensuite, j'ai essayé, en citant un grand nombre de mes collègues, de montrer que ce qui permet de comprendre la restructuration de l'horlogerie suisse, le renouveau de l'horlogerie suisse, ça n'est pas que la restructuration industrielle, qui est certes très importante, ça n'est pas que l'avènement de la Swatch, c'est aussi le revirement dans le luxe. On parle de montres mécaniques dans ce documentaire tout le temps, il n'est pas mentionné une seule fois luxe, le mot luxe, ou domaine des produits à forte valeur ajoutée. Or, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi, à partir des années 2005, on a des sommes, des valeurs d'exportation aussi colossales qui excèdent les 20 milliards de francs suisses. On ne comprend pas les choses sinon. On ne comprend pas non plus pourquoi le Swatch Group a décidé d'arrêter de livrer ses mouvements aux concurrents ou aux marques tierces à partir des années 2000. Et ben, c'est précisément au moment où les montres mécaniques à forte valeur ajoutée dépassent au niveau de leur valeur d'exportation les montres électroniques. Et donc c'est bien ce revirement-là. Et l'histoire du Swatch Group ne l'explique qu'à moitié. Ce que j'essaie de montrer, et puis ça c'est un premier axe, donc il faut absolument penser ce qui se passe à partir des années 80 avec l'avènement des montres mécaniques compliquées, à grandes complications. Et le Swatch Group ne se met dans cette tendance qu'à partir de 92, soit 10 ans après, parce que Hayek n'y croit pas, en rachetant Blancpain. Blancpain qui a lui-même relancé Jean-Claude Biver, qui est extrêmement proéminent dans le leur portage. Et l'autre problème, c'est de focaliser l'attention sur ces deux patrons. Ça donne pas la mesure de la complexité du processus. C'est-à-dire que pour relancer les montres mécaniques, comme Biver l'a fait, il a dû s'entourer des compétences d'un nombre incroyable de ce qu'on appelait des artisans indépendants, qui étaient des horlogers installés à leur compte, qui étaient souvent des restaurateurs de pièces d'art d'exception, et qui ont commencé à développer des prototypes de montres extrêmement compliquées, à la main parce qu'il n'y avait pas de moyens industriels pour les produire. Et dans tous les grands noms dont se gargarise l'horlogerie suisse, Parmigiani, Journe, Sven Andersen, Widerrecht, Roger Dubuis, sont des représentants. Et ça ne paraît nulle part. Il faut savoir que quand Blancpain relance les montres mécaniques compliquées à partir de 82, le premier coup de tonnerre technique qu'il propose, c'est une montre tourbillon sur un format de montre bracelet. Ça n'a jamais été fait ou pas, puisque le tourbillon existe depuis plusieurs siècles, mais sur des mouvements de poche, de montres de poche. Et pour le faire, Biver n'avait pas les compétences en interne, en fait. Il a fait appel aux travaux respectifs de deux horlogers qui sont absolument inconnus. Quand on est anthropologue, on s'intéresse aux détails, et c'est pas possible de continuer à entretenir un pareil mythe. Ces deux horlogers s'appellent, d'une part, Vincent Calabrese, et d'autre part, Dominique Loiseau. Ils ont une histoire... qui est l'histoire de l'immigration, puisque Dominique Loiseau est français d'origine et Vincent Calabrese napolitain. Ils sont les deux, ils ne sont pas arrivés exactement lors de la même décennie, mais c'est une histoire de l'immigration, des difficultés aussi d'intégration d'horlogers d'origine étrangère dans le contexte de la Suisse en crise. Et Vincent Calabrese a sorti un livre il y a 2 ans. On a eu l'occasion de partager plusieurs plateaux télévision, en fait. Il a une extraordinaire histoire qui est très révélatrice des politiques d'intégration de la Suisse et de la manière dont l'horlogerie suisse capitalise, a besoin de la main-d'œuvre étrangère, mais... pas forcément de la mettre en avant. Mais pas forcément de la mettre en avant, et puis en lui rendant un hommage discret, en fait. Existant, mais discret. Et je trouve, permettez-moi l'expression, mais scandaleux qu'un journaliste de la taille de l'envergure de notre confrère, sans doute par ignorance, pérennise ou renforce des mythes comme ça. Simplement parce qu'à mon avis, il a été trop vite. Sur la question, pardon, on va malheureusement arriver au bout de l'entretien, mais sur la question de cette absence du luxe ou de la dénomination du luxe, comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Qu'est-ce que c'est que cette esquive du sujet? Bon, là, je pense que c'est... on parle de dépendance de sentier en anglais avec une expression consacrée. C'est-à-dire qu'on a tendance à reproduire ce que l'historiographie a posé depuis un certain nombre d'années. Donc là, il y a quand même un effet d'inertie, tout simplement. Je pense que c'est pas à chercher. Il n'y a pas de grandes interprétations manichéennes. Simplement, je défends l'idée que pour comprendre pourquoi les horlogers ou les horlogères vivent aujourd'hui mal le fait d'être survisibilisés au niveau médiatique, puisqu'on les a jamais autant vus sur scène, et que néanmoins ils ont l'impression que leurs compétences de métier se font la malle ou ne sont plus mises en œuvre dans l'industrie du luxe et des montres à complications mécaniques. Pour rendre compte de ça, faut comprendre ce qui s'est passé au cours des années 80, et c'est bien la transition et le repositionnement dans le luxe qui explique ces paradoxes-là, en fait. Le luxe est une catégorie peut-être un petit peu flottante, mais disons sur positionnement de l'industrie suisse, horlogère suisse, dont la catégorie des produits à forte valeur ajoutée. Et ça a été vraiment fondamental aussi pour le retour ou la remise au goût d'un certain nombre de formations. Les formations d'ingénieurs horlogers, par exemple, elles ont joui de cette espèce de retour de redoux des montres mécaniques à complications. Et ça a aussi expliqué... que la Suisse redevienne une force compétitive sur le marché horloger avec des produits beaucoup plus chers, produits en bien moins grand nombre, mais beaucoup plus chers, quoi. Et dans mon travail, j'ai essayé de montrer ces ambivalences-là. Évidemment, si systématiquement on se gargarise et on répète l'histoire en proposant des documentaires qui ne font que redire ce qu'on sait déjà et ce qu'on a déjà entendu, parce que ce documentaire-là, il n'apporte rien de nouveau. On sait que les banques ont eu les mains liées pendant longtemps avec l'industrie horlogère suisse, qu'elle ne savait pas tellement quoi faire de cette industrie, que Hayek est arrivé comme consultant à un moment opportun, que Biver est un génie du marketing et du positionnement. Ça, tout ça, on le sait, c'est débattu, c'est recraché depuis 25 ans. Et à côté de ça, on est un petit nombre de scientifiques à faire consciencieusement notre travail pour montrer autre chose ou pour montrer en quoi réifier de telles images invisibilise d'autres enjeux, comme la visibilité ou l'absence des horlogères. Quand il s'agit de parler d'horlogers de renom, il n'y a plus que des mecs, alors qu'on sait que les formations sont suivies de manière assez équitable par les hommes et par les femmes, et puis que l'industrie et la main-d'œuvre non qualifiée est bien représentée par les femmes, encore aujourd'hui. Là, on est quand même dans des espèces de répétitions. Alors, vous voyez, il y a des espèces d'effets d'inégalité qui se répètent depuis un siècle et demi. On a beau... Le mettre en lumière, rien ne change. Et puis à côté de ça, on a des choses qui ne sont pas vraies, qui sont approximatives, parce que de penser que c'est juste deux hommes qui ont sauvé l'horlogerie suisse, c'est quand même un tout petit peu naïf. Et pour des historiens et pour des journalistes, je trouve que c'est vraiment aller vite en besogne. Et je trouve dommage que, à ce titre-là, Pierre-Yves Donzé ne dise que ce qu'il dit dans son intervention, parce que son travail a permis de montrer, avec beaucoup de finesse, des choses bien plus complexes que ce qu'il dit. En montrant, par exemple, que la Swatch n'avait pas sauvé à elle seule l'horlogerie suisse. Si vous aviez... vous, à faire un documentaire et que vous arriviez devant le producteur pour en faire le pitch, le résumé, quel angle précis aimeriez-vous traiter? Par exemple, au-delà évidemment de cette histoire tout à fait passionnante que vous nous avez exposée au départ de l'apprentissage voilà. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aujourd'hui réussir à raconter cette histoire-là en renouvelant, en n'étant pas sur les cartes postales et sur les clichés que vous reprochez à ce documentaire-là, que vous baptisez méchamment reportage, c'est tout dire. Mais qu'est-ce que vous... Vers quel angle vous iriez? Je profiterais de donner à repenser à un public élargi le statut de ce qu'on appelle une ambivalence, quelque chose qui n'est ni blanc ni noir, qui est un peu au milieu, en fait. Pour essayer de montrer que, par les ambivalences, par les choses qui apparaissent comme paradoxales, on invite au débat, on invite à un débat renouvelé, en faisant émerger des controverses. On n'est pas en train de foutre la merde, mais on permet une véritable dynamique au dialogue et au débat social. Et j'insisterai pour focaliser sur trois points qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est l'importance de la main-d'œuvre étrangère, constitutive de l'horlogerie suisse, aussi dans ce qu'elle a de plus suisse, depuis le début. Intégralement et à plus forte raison aujourd'hui. Ensuite, sur les inégalités de genre, les partages entre hommes et femmes, la naturalisation des compétences dites féminines quand il s'agit de désigner les opérations les plus pénibles, les plus répétitives, ou les plus dégradantes, ou les moins qualifiées, les moins rémunérées. Et puis, comme pour les chirurgiens ou les grands restaurateurs, des hommes survisibilisés quand il s'agit de parler des artisans d'exception et des grands créateurs indépendants. Donc deuxième point, ce rapport de genre. Et puis le troisième, de montrer qu'en fait, le patrimoine, ce souci du passé, cette mise en place de l'histoire, c'est pas toujours une manière de faire profiter les compétences humaines ou simplement la pérennité d'un métier ou la transmission d'une conscience ou d'un savoir collectif. C'est peut-être l'asphyxier même. Absolument, ça peut l'être dans la mesure où depuis une trentaine d'années, le patrimoine est devenu aussi un enjeu marketing auquel n'ont pas profité que les marques ou que les entreprises, les régions aussi, les offices du tourisme, les politiques publiques, la radio. Moi, on m'a financé pendant 5 ans pour faire une thèse sur le patrimoine horloger. Je n'aurais pas pu travailler et manger si j'avais pas joui, bénéficié de succès du patrimoine. Mais néanmoins, ça a quand même un impact et ça, il faut pas être dupe. Et aujourd'hui, l'impact pour un certain nombre de praticiens de métier, c'est de dire que ce patrimoine, à force d'être devenu un outil marketing, il n'est plus ce qu'il désignait initialement, c'est-à-dire un savoir commun, collectif, à pérenniser parce qu'il importe à des gens. Aujourd'hui, c'est devenu un peu ce qu'ils appellent l'arbre qui cache la forêt. Et ça me paraît fondamental, c'est la troisième ambivalence que je voudrais souligner. Je proposerais ce pitch-là en disant, ces trois tensions, elles sont fondatrices, elles permettent à ce champ d'exister et de se renouveler, elles sont problématiques, mais c'est pas parce qu'elles sont problématiques qu'elles doivent pas être adressées. Et le faire dans le cadre d'un documentaire, ça serait enfin la possibilité de réconcilier les réflexions sur le politique, la culture, la formation, la pérennité de ce qu'on estime être notre Suisse moderne. Hervé Münz, au travail, le producteur qui vous écoute n'attend que votre pitch et votre scénario. Merci en tout cas d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous pour votre invitation. Tout à coup, le coucou dans mon cœur se met à sonner. Très fort, bien plus fort que lorsque je fais mes crises. À me jeter partout par terre contre les meubles, mon cœur s'écrase comme une cerise. Je n'y vois que du feu. En quelques pas seulement, je peux me perdre loin. Je n'y vois que du feu. En quelques pas seulement, je peux te perdre loin, si loin. Le carillon me brise, les tympans tout se brise. Je bouche mes oreilles et bien sûr c'est encore pire. Les aiguilles vont me trancher la gorge. Ce goût de fer dans le palais comme si je mangeais un hélicoptère. J'ai fait peur à tout le monde. She's a fire girl, fire, fire, fire girl. J'ai fait peur à tout le monde. She's a fire girl. Majestueusement cool, mais j'ai préféré sans faire exprès. Canari stressé, empêtré dans mes soubresauts. J'espère que la petite chanteuse ne m'a pas vu. J'aurais voulu, mais j'ai fait peur à tout le monde. She's a fire girl, fire, fire, fire girl. J'ai fait peur à tout le monde. She's a fire girl. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.